jusqu'à 21h30. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand met ses doigts sur la console et fait le choix musical. Aujourd'hui, ça commence avec du François de Roubaix, du Ennio Morricone, Marlène Dietrich, qui chante « Moi, je m'ennuie ». Et ça se termine comment, cette émission? Allons voir ça. Du Robert Wyatt et de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Allons-y. triste histoire. Ça a commencé comme ça, les échangeurs d'air, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a eu d'abord, François de Roubaix, sur Anthologie, volume 1 de 1999, Commissaire Moulin, l'indicatif de 1976. C'est posthume, parce que lui-même est mort en 1975, et le Commissaire Moulin, vous pouvez aller voir, on doit en trouver des extraits quelque part. C'est une série cotée 5.1 sur 10. Donc, on se dit que c'était peut-être pas si bon que ça, mais peut-être que c'était excellent aussi. C'est le juge qui était pas bon. Alors, François de Roubaix, évidemment très connu pour la musique du Vieux Fusil et de bien d'autres choses, une tonne de pubs, vraiment plein de trucs pour une courte carrière, lui qui était né en 39 et qui est mort en faisant de la plongée. Ennio Morricone y Malamondo c'est l'album de 64, la pièce L'Ultima Volta. J'aimerais bien vous présenter Ennio Morricone, mais c'est trop long. C'est trop long. On peut même pas savoir probablement à combien de films il a participé lui-même. Je ne sais pas s'il avait tenu une comptabilité explicite de tout ça, vraiment à jour. Mais c'était pas simple. Aquaserge terminait avec MTM volume 46, The Possibility of a New York for Aquaserge de 2021. Make to Measure, oui, c'est ça, MTM, c'est ça, 46, Make to Measure. Un grand sommeil noir, c'est une pièce d'Edgar Varèse. À quoi Serge, qui s'appelle comme ça, parce que à quoi Serge? Voilà, c'est la question que tous se posent. Et puis ensuite, on s'en va du côté de Marlène Dietrich et les reines prochaines, et Sylvia Anders.

Zärtlichkeit machte sich breit, viel zärtlicher als Mann und Frau sind die zwei Frauen. Vergessen, das häusliche Glück, das stinkende Glück vergessen. 30 Jahre eines Lebens vergessen. Vergessen, auf eigene Kinder selbstgezeugte Spucken. 7 Jahre einer Ehe vergessen. Drei liebe Schwüre zertreten, Vater und Mutter vergessen. Schlachthaus der Gefühle, weg von Ehe und Familie. Verlassen, das Geisterschiff, das sinkende Schiff verlassen. 1000 Jahre Tisch und Bett verlassen. Heilige Meineide schwören, nur um die Zukunft zu finden. Vergangenheit töte ich ab, du kannst es auch. Töten? Den Sohn erschlagen, den Mann erschlagen, töten? 1000 Jahre eines Volkes töten. Töten? Den Nachbarn erschlagen, den Pfarrer erschießen, töten? 1000 Jahre Blut und Boden töten. Sehnsucht und Wünsche vergessen. Vater und Mutter verlassen. Frei sein. Oui, toujours les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Marlène Dietrich commençait le dernier bloc sur une compilation qui s'appelle Marlène Dietrich 1930-1962, parue en 2019. Moi, je m'ennuie. Elle en a chanté beaucoup en français, Marlène Dietrich, qui une autre longue carrière. Elle a vécu recluse les dernières années de sa vie, mais elle avait fait beaucoup de choses avant de vivre recluse. Et, entre autres, combattre le nazisme. Puis elle estimait que le nazisme n'était pas encore mort lorsqu'elle est allée en Allemagne dans les années 60. Peut-être qu'elle en savait quelque chose, mais somme toute, elle a consacré la fin de sa carrière active à la chanson, surtout. Et un dernier film, je ne sais pas en quelle année, dans les années 70, je pense. Ensuite, nous avons eu Les Reines Prochaines. Oui, on aime Les Reines Prochaines. L'album s'appelle Lob Error Room Dank. Et la pièce s'appelle Evening Upstairs Goodbye. Les Reines Prochaines, ce sont des Suissesses. Un de mes mots préférés pour l'utilisation des S par rapport. Il n'y a que le S comme consonne et très peu de voyelles pour les accompagner. Donc, ce sont des Suissesses qui avaient commencé par s'accompagner d'un simple ordinateur. En fait, un espèce de petit synthétiseur et tout ça. Et elles ont fini par apprendre à jouer des instruments. Et c'est vraiment très chouette, Les Reines Prochaines. D'ailleurs, elles ont eu un prix en 2019 comme meilleur groupe, c'est ça, derrière du prix suisse de la musique en 2019. Ça veut dire qu'elles sont probablement améliorées beaucoup. Et nous avons terminé avec une dame qui s'appelle Sylvia Anders. New Dolls chanson, la pièce Vergessen. C'est très assez intéressant. Elle a chanté beaucoup de Bertolt Brecht, mais dans ce cas-ci, elle a été avec ce qui s'appelle Justice Knoll, avec le quartet de Stefan Rohan. Et c'est vraiment très bon. C'est très bon. Alors, comme je vous dis, vous pouvez trouver des trucs peut-être qu'elle a fait de Bertolt Brecht. Puis ça aussi, c'est chouette, j'en suis sûr. Ensuite, nous allons poursuivre avec The Young Traditions et bien d'autres choses. This ain't neat, this ain't neat, any neat and all. Fire and fleet and candle neat, and Christ receive thy soul. If thou from here away dost pass, any neat and all, to Whinnymoor thou com'st at last, and Christ receive thy soul. If thou gav'st ever hosen or shoon, any neat and all, then sit ye down and put them on, and Christ receive thy soul. But if hosen or shoon thou ne'er gavest nane, any neat and all, the whinny will prick thee to thy bare bane, and Christ receive thy soul. If thou from there away dost pass, any neat and all, to purgatory fire thou comest at last, and Christ receive thy soul. If thou gavest ever meat or drink, any neat and all, the fire will never make thee shrink, and Christ receive thy soul. But if meat or drink thou gavest nain, and in it and all, the fire will burn thee to thy bare bane, and Christ receive thy soul. My father, he left me his acre of land. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. He ploughed it with a ram's horn. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. He sowed it with a peppercorn. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. He reaped it with the blade of his penknife. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. He threshed it out with a goose's quill. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. He sent it to market on a louse's back. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. The whip it cracked, but the wagon is stopped. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. He sent it to the mill with a team of great rats. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. He sent it home in a walnut shell. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. My father, he worked himself into the ground. Sing, Ivy, sing, Holly, go, whistling, Ivy. I weep as I sow, I plough this old land. Sing, Holly, go, whistling, Ivy. Le long de la mer courante, allons-y donc nous promener. Le long de la mer courante, allons-y donc nous y promener. En attendant pas au bord de l'eau, la belle demandit à boire. Ne furent pas au bord de l'eau, la belle demandit à boire. Avant de boire de ce vin blanc, mamie, je veux voir votre sang. Allongez-vous, ma belle mie, et regardez cette eau. Allongez-vous, ma belle mie, et regardez cette eau claire. Ses beautés, j'y ai noyé. septième, vous serez belle Madeleine, belle Madeleine, déshabille-toi, je t'en prie. Belle Madeleine, belle Madeleine, déshabille-toi, je t'en prie. La belle ôta son blanc jupon pour aller voir la mer au fond. Quand la belle fut déshabillée, le beau galant qu'il s'approche. Quand la belle fut déshabillée, le beau galant qu'il s'approche. La belle lui donne un coup de pied au fond de la mer l'a jeté. Mamie, donnez-moi votre main, vous donnerez tous mes domaines. Mamie, donnez-moi votre main, vous donnerez tous mes domaines. Votant, votant, méchant larron, trahi la Madeleine. Venez anguilles, venez poissons, mangez la chair de ce bon drôle. Venez anguilles, venez poissons, mangez la chair de ce bon drôle. Venez anguilles, venez poissons, mangez la chair de ce larron. Que diront vos amis quand vous verront venir ce lettre? Mamie, que diront vos amis quand vous verront venir ce lettre? Je leur dirai la vérité. Toujours nous les échangeurs. Michel Bacou, microphone des Jean-Philippe Boisbriand avec les doigts sur la console. The Young Tradition commence, c'est le dernier bloc. Sur un album qui s'appelle The Young Tradition de 1965, Like Wake Dirge. C'est un groupe qui chantaient, ils étaient trois, Peter Bellamy, Heather Wood et Royston Wood, non reliés par quelques liens familiales, et ils chantaient sans s'accompagner comme ça, avec de très belles harmonies. De très bons chanteurs. Ils ont cessé d'être ensemble en 69, mais ont continué chacun de leur côté, selon leurs préférences musicales. Il y en a même qui ont fini par jouer avec des instruments, avec des gens qui jouent d'instruments de musique. Oui, imaginez-vous. Nous avons eu Young Waters, Stand Up Now, Songs from the Land Workers Alliance, un truc paru en 2021. Sing Ivy, c'est un groupe qui semble être un collectif. En fait, qui fait des choses qui nous intéressent. Oui, effectivement. Alors, on peut voir une jolie photo du groupe. C'est ça. Puis, ils sont appelés à un moment donné le Snufkin. Oui, le Snufkin. Et je ne sais pas. Donc, on peut trouver des trucs probablement sur le Snufkin. Et ils ont l'air à courir les festivals. Et nous avons terminé avec Myriam Gendron, Madélire, Songs of Love, Lost and Found de 2021, qu'elle a enregistré chez elle, condition oblige. La pièce s'appelle Le tueur de femmes. Et elle, dans ses trucs, donc elle fait, remet au goût du jour ou à son goût personnel des chansons traditionnelles. Et elle compose les autres. Elle a aussi joué plusieurs chansons, plusieurs trucs de Dorothy Parker, poétesse américaine. Et c'est bien intéressant ce qu'elle fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Mind Over Mirror, du Colin Stetson. Puis on s'en va comme ça, je pense, jusqu'à quoi? 21h30? Oui, 21h30. Thank you. alors voilà, nous avons eu pour le dernier bloc Mind Over Mirrors, The Voice Calling de 2015, Who's Turn Is Next. Alors c'est un harmoniciste, non en fait pas un harmoniciste, mais un joueur d'harmonium qui s'amuse avec les pédales et toutes sortes de trucs de synthétiseurs. Ensuite, Colin Stetson, le saxophoniste qui vit maintenant à Montréal. All This I Do For Glory de 2017, la pièce Between Water and Wind. Et ensuite, on ira voir de Rastafikor et bien d'autres petites choses. Thank you. pedată, ai da moi te puri, te puri mi corpă ciugri, ta mena, o pedată, vai da moi te puri. ne sa pas pas dire. Les échangeurs d'air, toujours avec vous. The Rustavi Corps nous faisait sur l'album Georgian Voices de 1992 la pièce Mival Goriachi, qui veut dire Going to Gorlia. Oui, et eux, ils ont repris vraiment les chants traditionnels georgiens. Ils ont un petit peu adapté, on dit, ils sont modernisés légèrement après avoir réuni du monde un peu partout en Géorgie pour vraiment toucher, avoir les traditions d'un petit peu partout dans le pays. Et c'est très intéressant. On en avait mis il y a un bout de temps, mais à l'époque, il me semble qu'on n'avait pas cette information-là. C'était plus difficile de trouver des informations sur eux. Vous savez, les groupes a cappella georgiens qui étaient actifs surtout il y a longtemps, eux ont commencé en 95. Alors, c'est pas des trucs qu'on trouvait si facilement. Gurdjieff Folk Instruments Ensemble avec Levon Eskenyan nous faisait Music of George E. Gurdjieff de 2011, la pièce Armenian Song. C'est un peu drôle, Gurdjieff qui s'est illuminé, disons, avait aussi une fascination pour la musique, pour la musique, et avait fait des transcriptions de toutes sortes de choses de musique arménienne, et ça a été repris donc par cet ensemble-là. Et c'est très intéressant, c'est très chouette, mieux que ce qui est la philosophie de Gurdjieff. Famille Léla de Permet, polyphonie vocale et instrumentale d'Albanie, la pièce Keba Mizegari. Ça aussi, c'est intéressant, sur des choses que... merci technologie, parfois, de nous permettre d'avoir maintenant des trucs comme ça. Et Sazizo, At Least Wave for Anchor Sheaves at Me, The Joys of Sorrows of Southern Albanian Song, et la pièce Pensereni e Zotrice Sate. Oui, voilà, ça se terminait comme ça. Ensuite, on s'en va du côté de Robert Wyatt et Orchestre Tout-Puissant pour finir cette émission. We'll be right back. Make it move. des containers européens remplis de pommes pour la Chine. Croise dans l'océan Indien des containers chinois remplis de pommes pour l'Europe. Ah, ah, ah. De jeunes paysans africains partent ruinés vers l'Europe pour cueillir des tomates qui sont envoyées en Afrique. Ah, ah, ah. C'est ainsi que se terminent les échangeurs d'air. On a terminé avec Robert Wyatt, Old Rotten Hat, sur le titre de l'album de 85, la pièce des United States of Amnesia. La carrière de notre ami, c'est long. C'est ça, il y a beaucoup de choses. Il est né en 45, puis il arrête pas. Il a travaillé avec tellement de monde que ça en est un peu fou. C'est ça, ça va vraiment de c'est ça, Fred Frith, Mike Oldfield, Henry Cow, etc. Bjork, tiens, David Gilmour, pourquoi pas aussi. Puis on s'en va comme ça, on peut faire le tour. D'abord, une très belle voix. Il fait des percussions, il joue d'une tonne d'instruments. Puis ce côté irrévérencieux aussi qui est fort charmant. C'est certain, ça l'est pas. Chez lui, ça l'est beaucoup. Orchestre tout-puissant, Marcel Duchamp, terminé avec We're Okay But We're Lost Anyway sur et la pièce s'appelle Flux, où est-ce qu'on raconte l'histoire de containers qui s'en vont avec des pommes en Chine, qui reviennent en Afrique, qui se baladent comme ça. Eux, c'est un hommage évidemment à toutes certains orchestres africains qui portaient toujours des noms orchestre tout-puissant, des trucs comme ça. Et on avait donc cette section de brass qui prenait la place après ces jolies voix.